Encore aujourd'hui, il y a des puristes pour dire que la vraie quiche ne se fait qu'avec du lard et surtout sans fromage. Jean-Pierre Tabord, lui, a choisi la fantaisie et vous propose par exemple une quiche anchois roquefort ou encore une quiche à la truffe et au gingembre. Retrouvez les références du livre de Jean-Pierre Tabord, 1001 quiches, sur notre site internet www.fpi.fr. (15h15 sur FPI, l'essentiel de l'actualité, Amaya Ferratini. Manifestation silencieuse cet après-midi dans les rues de Paris. Plusieurs milliers de personnes défilent à l'appel d'associations de défense des droits de l'homme en mémoire de Naïma et pour dénoncer les méthodes musclées des contrôleurs de la RATP. Dans un instant, nous serons en direct de la fin de la manifestation. La fillette morte lundi soir sur un quai de métro a été enterrée ce matin au cimetière parisien de Pantin. Côté transport, c'est toujours le chaos. De nombreux agents de la RATP et de la SNCF sont en grève depuis hier. Si vous êtes en voiture, la préfecture vous conseille d'éviter les heures de pointe entre 17h30 et 19h. Une manifestation silencieuse rassemblant 5000 personnes selon la police et 15000 selon les organisateurs a donc quitté la place de la République peu après 13h tout à l'heure en direction du boulevard Barbès dans le 18e arrondissement. Des organisations comme SOS Racisme, le MRAP ou la Ligue des Droits de l'Homme faisaient partie du cortège. Michel Bardu, vous suivez la manifestation pour nous depuis le début. Où en est-on exactement ? Écoutez, c'est un silence et un recueillement très impressionnant que le cortège a commencé à quitter la place de la République peu après 13h tout à l'heure. Deux des frères de Naïma défilent en tête portant un grand portrait de la fillette. Quelques slogans sont inscrits sur des draps blancs ou des t-shirts. On peut ainsi lire « Justice pour Naïma »,« Une vie vaut-elle un ticket » ou encore des caricatures représentant des contrôleurs de la RATP demandant aux passagers « Ton coupon ou un coup de pied ». Parmi les manifestants, il y a d'abord beaucoup de jeunes. C'est eux qui portent les pancartes les plus virulentes contre les contrôleurs. Et puis on a croisé aussi le représentant des associations à l'origine de la manifestation qui se refuse pour l'instant à toute déclaration. Les représentants des syndicats et des partis politiques jusqu'ici se sont fait très discrets. La tête du cortège devrait bientôt arriver sur le boulevard Barbès dans le 18e arrondissement, à quelques pas de l'appartement où vit la famille de la petite Naïma. En direct de la manifestation, Michel Bardu pour FPI. Merci Michel Bardu. Bien entendu, nous vous retrouverons régulièrement pour faire un point avec... 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,